الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue avec la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. Et si mes souvenirs sont bons, dans le dernier cours, on avait traité de la lettre adressée à César. C'est ça ? Le dernier cours. C'était ça, on s'est arrêté là. D'accord. Donc on avait parlé de la lettre qui avait été adressée à César. Et on avait rappelé avant ça que le prophète alayhi salatu wassalam avait adressé, d'accord, plusieurs messages à différents empereurs, tout simplement en les invitant à l'islam. Et parmi ces empereurs-là, il y avait Kisra, le roi de Perse, où le prophète alayhi salatu wassalam l'avait invité ici à embrasser l'islam. Et celui-ci, comme il le relatait dans Sahih al-Bukhari, il est rappelé que ce roi-là, Kisra, le roi de Perse, a déchiré la lettre, l'invitation du prophète alayhi salatu wassalam à ce roi, pour qu'il embrasse l'islam. Il l'a déchiré, le prophète alayhi salam, il a dit qu'Allah azza wa jal déchire son règne, qu'Allah azza wa jal déchire son règne. Et comme on mentionnait al-ulama rahimahumullah, et comme on le verra par la suite, c'est ce qui a eu lieu. Et ce roi-là, Kisra, c'est lui qui a envoyé les deux hommes, comme dans le hadith rapporté par Abu Daoud et d'autres, jugé bon par Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, qui a envoyé deux hommes au prophète alayhi salatu wassalam. Et dans différents événements ou lors de différents rassemblements, j'avais déjà rappelé plusieurs fois ce récit prophétique jugé bon par Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. C'est à ce moment-là, pour qu'on se rappelle ici, ou qu'on voit un peu à quel moment le prophète alayhi salatu wassalam, yani à travers la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, les a envoyés ces deux hommes-là. C'est à ce moment-là, ces deux hommes-là qui ont été envoyés au prophète alayhi salatu wassalam. Et ces deux hommes-là étaient venus voir le prophète alayhi salatu wassalam à titre d'émissaire. Et quand ils ont vu le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète leur a dit, mais qui vous a ordonné cela? C'est-à-dire le fait de venir me voir sans barbe. Et ils ont dit, c'est notre roi ou notre seigneur qui sera. Et c'est à ce moment-là où le prophète alayhi salatu wassalam, comme a dit le hadith, a'arada anhuma, il s'est détourné d'eux et il a dit, quant à moi, ceci c'est Allah mon seigneur qui me l'a ordonné. C'est-à-dire, al-lihya, la barbe, jugé bon par Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Au hadith, ce hadith-là intervient à ce moment-là, c'est-à-dire quand Kisra a reçu la lettre, il a envoyé ces deux émissaires-là au prophète, alayhi salatu wassalam. Ala kulli hal, il a refusé le message du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ne s'est pas arrêté là, il a continué à propager l'islam, walillahi alhamd. Et qu'est-ce qui s'est passé, yani, pendant l'an 7 de l'Hégire? Ici, c'est à ce moment-là où le prophète alayhi salam a décidé de partir avec les compagnons pour accomplir ce qu'on appelle, ou ce qui est appelé par les gens de science, Umratul Qadha, c'est-à-dire la Umra de compensation. Car on avait rappelé qu'ici, il leur avait interdit de faire l'Umra, si on veut, le petit pèlerinage, d'accord, à l'époque ou un an avant. Et ici, le prophète alayhi salam, ici, comme il savait qu'ils étaient en paix, ils étaient en sécurité, ils étaient liés sous des pactes et sous des traités, ici, ils savaient qu'ils avaient droit, comme ils avaient dit. Ils ont dit, cette année-là, c'est-à-dire, les Quraysh, ils avaient dit, cette année-là, vous ne pouvez pas faire la Umrah, lakin l'année précédente, ou l'année prochaine, vous pourrez la faire. Donc le prophète, alhamdoulilah, il a patienté, il a propagé la religion, et venu le moment où il devait faire cette Umrah-là, ici, comme il était convenu. Donc, c'est ce qu'on appelle la Umrah de compensation, Umratul Qadha. Ils se sont dirigés, donc les musulmans, alors qu'ils étaient environ 2000 vers ici la Mecque pour faire Umratul Qadha, pour faire Al-Umra. Et dans Zadul Ma'ad, Ibn Qayyim Al-Jawzi rahimahullah ta'ala rappelle cet événement dans les détails, et d'autres savants aussi. Quand ils sont arrivés à Al-Umra, qu'est-ce qu'ils ont fait, Quraysh? Ici, ils n'étaient pas satisfaits de voir les musulmans arriver fiers ici pour faire Al-Umra, lakin ils étaient obligés de les accepter. Pourquoi? Il y avait un pacte entre eux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à lancer ce qu'on appelle al-isha'at, c'est-à-dire les rumeurs. Car on sait très bien, quand la bataille physique n'apporte rien, qu'est-ce qu'on fait? La bataille psychologique. On balance des rumeurs. Ils les ont torturés. Ils les ont opprimés. Rien à faire. Ils sont restés fermes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont cessé de les adresser ou de les harceler psychologiquement à travers les rumeurs. Et qu'est-ce qu'ils ont lancé comme rumeurs? Ils lançaient les rumeurs, ou cette rumeur-là, c'est-à-dire Quraysh, autour d'eux, en disant, regardez comment ils vont arriver. Ils se sont très affaiblis, c'est-à-dire as-sahaba radiyallahu anhum warḍahum, ainsi que le prophète, sont devenus très très faibles. Très très faibles, dû aux nombreux combats qu'ils ont livrés, etc. Ils sont devenus très faibles. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il lui est parvenu cette information, et ce récit-là nous rappelle que le musulman, il doit toujours être fort, montrer qu'il est fier, ça ne veut pas dire qu'il est agressif, pas du tout, mais qu'il est fier de sa religion. Quand il marche, il montre qu'il est fier, et quand il parle, il montre qu'il est fier et qu'il n'est pas complexé, et que le musulman de façon générale, il est fort. Et on parle bien sûr avant tout de la force au point de vue de la foi, de l'iman, des convictions, de l'aqida, de tawhid, de l'yaqin, de tawakkul, Allah Azza wa Jal. Mais bien sûr, le croyant doit être fort aussi physiquement. Et je dis bien, ça ne veut pas dire agressif, opprimer les gens, abadan. Mais il doit montrer toujours qu'il est fier, bien se porter, être fier de sa religion est fort. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam, à titre d'exemple, il dit comme ja'a fi sahih, al-mu'minu al-qawi khayru wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Le croyant fort est préféré et plus aimé auprès d'Allah azza wa jal que le croyant faible. Mais regardez le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Mais dans les deux, il y a un bien. Dans les deux, il y a un bien. Que tu sois faible ou fort, il y a quand même un bien. Pourquoi? Car tu es un المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن. Les deux sont des croyants. Les deux sont des croyants, toujours un bien, alhamdoulillah. Lakin, ici Allah dit le croyant fort, ce n'est pas que le croyant fort physiquement, le croyant fort mentalement, c'est-à-dire qu'il patiente, qu'il n'est pas dépassé par les événements, qu'il patiente quand il lui arrive des épreuves, qu'il place sa confiance en Allah Azza wa Jalla comme il se doit, qu'il ne désespère pas. C'est ça le croyant fort. Ce n'est pas simplement la force physique. Mais ici en deuxième lieu, ici vient aussi intervient aussi la force physique. Donc ça c'est quelque chose de demandé. Regardez le prophète, qu'est-ce qu'il fait ici quand il entend ces rumeurs là. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, il le rappelle dans Zadul Ma'ad, il rappelle ici une chose très bénéfique ici, et il dit à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux compagnons de trottiner pendant les trois premiers tours de tawaf. Et vous voyez maintenant pourquoi ici pendant les trois premiers tours afwan de tawaf. Tawaf ici, quand on fait le pèlerinage, quand on vient et on fait tawaf al-qudum, les trois premiers tours, qu'est-ce qu'on fait? On trottine les trois premiers tours. Et ce qui est demandé aussi de faire, c'est de mettre ici l'izar, ou alors ici le libas ou l'ihram, donc la partie supérieure de l'ibas ou l'ihram. Donc ici, on le met où? En dessous de l'épaule droite. Donc on le fait passer en dessous de l'épaule droite, et on le rebalance sur l'épaule gauche. Donc ici, on laisse apparente notre épaule droite. Pourquoi? Le prophète leur avait dit, et faites ainsi. Pour leur montrer que quoi? Leur montrer la force des musulmans. Et que, alhamdoulilah, ils ne se sont pas affaiblis. Donc pour montrer leur force physiquement, en montrant leurs bras découverts, et en trottinant les trois premiers tours, ici, pour leur montrer que ça, ce qui est rapporté contre nous, ou sur nous, n'est que mensonge. Alhamdoulilah, on est en pleine forme, on trottine, et on est fier de notre religion et on le montre ouvertement devant vous. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, il dit ici cette pratique n'a pas été yani abrogée. Cette pratique n'a pas été abrogée, donc due à la cause. C'est pour ça que même au jour d'aujourd'hui on le fait toujours dans le tawaf ici al-Qudum, et ici on fait ces trois premiers tours et la partie supérieure de l'ibas ou l'ihram, l'habit de sacralisation. Donc ici on découvre notre partie droite ou notre bras droit ici, et on renvoie une partie de notre libas ou l'ihram sur l'épaule gauche. Ça n'a pas été abrogé dû à la cause, comme beaucoup d'actes ici qui sont reliés à la cause. Quand la cause disparaît, l'acte disparaît, d'accord? Par exemple, on dit le prophète alayhissalam a fait ça parce qu'il y avait telle chose, mais s'il n'y a plus telle chose, ce n'est plus obligatoire. À titre d'exemple, par exemple, il y a des gens qui disent, il y a des gens de science qui, à titre d'exemple, par exemple, il y a par exemple quand on urine al-bawl a'azzakumullah, quelqu'un, il y a une divergence entre savants. Est-ce qu'on doit uriner debout ou uriner assis dans tous les cas? Il y a un hadith où le prophète alayhi salam, il est rapporté qu'il a uriné debout. Il y a un hadith où le prophète alayhi salam, il a dit de ne pas uriner debout. À la kulli hal, les savants, ils ont dit. La raison pourquoi le prophète alayhi salam l'a interdit, c'est par risque qu'il y ait des éclaboussures de gouttes d'urine, d'accord, qui nous touchent. Donc ils disent, si à ce moment-là, on est dans une position, d'accord, ou dans un endroit où on est sûr qu'en urinant debout, on est assuré qu'il n'y aura pas d'éclaboussure qui va nous toucher, donc à ce moment-là, la cause ou la raison pour laquelle le prophète l'a interdit est partie, donc à ce moment-là, on peut uriner debout. D'accord? Ça, c'est pour vous donner un peu un exemple quand on parle de l'action due à la cause. À la kulli hal, ici, ce n'est pas le cas. Ici, même si la cause a disparu, c'est-à-dire on ne le fait plus au jour d'aujourd'hui pour montrer devant Quraysh ou devant des gens qui sont à la Mecque qu'on est fort, qu'on est, alhamdoulilah, on n'est pas fatigué, mais il dit, comme il dit Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, et les savants le disent aussi, que c'est une chose qui n'est pas abrogée, donc on doit le faire quand on se rend au pèlerinage. Clair? Cette année-là aussi, le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est marié avec Maymouna, fille de Al-Harith, tante de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu an abi. C'est cette année-là où le prophète s'est marié avec Maymouna. Et ici, Abdullah ibn Rawaha, il intervient, ici je vous en avais parlé de Abdullah ibn Rawaha, il va intervenir ici dans l'événement qui va suivre. Dans l'événement qui va suivre. Car ici, on va parler beaucoup de Abdullah ibn Rawaha et on voit beaucoup son nom qui sort à travers la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. À partir de cette année où il s'est passé Umratul Qada et tout de suite après l'année qui va suivre où il y aura ce qu'on appelle Ghazwatu Mu'tah. Donc c'est une expédition que le prophète alayhi salatu wassalam va lancer. Et là, Abdullah ibn Rawaha, son nom sort beaucoup pendant ces périodes-là. Parce que Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, on sait que c'était un grand poète. C'est un grand compagnon, un grand compagnon certes, et un grand combattant. Et ici, il a fait sa réputation à cette époque où le prophète alayhi salatu wassalam était présent bien sûr, et sa réputation est restée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand on parle de Abdullah ibn Rawaha, ce qui nous vient à l'esprit, c'est quoi? C'est le courage, c'est un grand poète, et c'est une personne qui ne souhaitait que mourir martyr. Une personne qui n'avait pas peur du combat. Et comme on va le voir ici, à travers ici le récit qui est rapporté le concernant. Partons ici sur les événements, ou restons avec les événements plutôt, qui se sont passés alors qu'il faisait la umra de compensation. Il est rapporté dans un récit que Bilal, radiyallahu ta'ala anhu arda, je sais que la plupart ont vu le film Al-Risala, donc ici le message, à la Kulihal, vous voyez que le message, ce qui reste gravé dans les têtes, c'est qu'on voit, c'est pas Bilal. On est d'accord, c'est pas Bilal hein, dans le film. C'est pour ça que certains savants, ils disent que ce n'est pas une chose bonne ce qui a été fait concernant Al-Risala. Il y a eu du bien, il y a du bien, faut pas se voiler la face, c'est clair et net. Il y a eu du bien dans ce film, mais il y en a parmi les choses qui sont mauvaises dans ce film-là, d'accord, c'est qu'on a, représenté, c'est pas le prophète alayhi salatu wassalam, mais le compagnon. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhu mardam, mais en général, c'est par des personnages qui ne sont même pas musulmans. D'accord? Ce sont même pas des musulmans qui représentent des compagnons qui ont marqué l'histoire, qui ont été agréés par Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont été agréés au paradis, qui font partie des promis du paradis. Il y en a 10, c'est parmi Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, etc. À la kulli hal, ils parlent ou ils représentent des compagnons alors que eux, ils sont contre l'islam. Donc ici, déjà, on voit que, ce n'est pas quelque chose vraiment de sain, le fait de représenter les compagnons ou faire représenter les compagnons par des gens qui ne sont même pas musulmans et qui sont peut-être contre l'islam. Donc ici, les savants, les gens de science ont condamné déjà juste cette chose-là. Donc ici, à la kulli hal, on sait que on voyait une personne représenter Bilal qui montait sur la Kaaba et qui faisait l'adhan quand ils ont fait Fathu Makkah à la kulli hal. Ici, dans les récits prophétiques jugés bons et rapportés par Al-Siyar, ici, on sait que à ce moment-là, quand ils ont fait Umratul Qada, Bilal radiyallahu anhu arda est monté sur la Kaaba et il faisait l'appel à la prière. Il faisait Al-Adhan, Bilal radiyallahu anhu arda, car il avait une voix qui portait. Et quand il faisait Al-Adhan, il est rapporté que ici les associateurs, ils étaient tous sensibilisés. Ils étaient tous sensibilisés quand Bilal radiyallahu anhu arda faisait l'appel à la prière. Un, parce que c'était des gens qui étaient sincères dans ce qu'ils faisaient. Deux, parce qu'ils avaient des convictions. Trois, parce que ce n'était pas du tout décomplexé. Ce n'était pas décomplexé. Ils se disaient pas, bon maintenant on va paraître, on va venir et on va faire notre umrah discrètement, car ici on est une minorité par rapport à eux. Non, ce n'était pas décomplexé. Alhamdoulilah, l'adhan, on le fait au-dessus de la Kaaba. Khlas, on a fait un pacte. On a signé des traités. Donc maintenant on est dans une posture où on a le droit de faire l'umrah. Donc on est dans notre droit, donc on va pas se gêner, on va faire l'appel à la prière, mais Bilal monte sur la Kaaba et fait l'adhan. Quand tu vois que tu es dans ton haqq, ya Abdallah, et tu peux propager la religion, et tu n'offenses personne, et qu'on ne te l'interdit pas, donc à ce moment-là, ne le fais pas à moitié. Par crainte qu'un jour vienne où on te l'interdira carrément. Et là, tu regretteras de ne le pas avoir fait, ou de ne pas avoir fait ad-da'watu ilallah azza wa jalla de façon ouverte, quand tu en avais le droit. Quand tu as le droit et on te permet de faire ad-da'watu ilallah, l'appel à Allah Azza wa Jal, fa'ali Abdallah, fais-le. Et fais-le ouvertement. Et ne le fais pas de façon discrète ou en étant incomplexé. Fais-le ouvertement et sois fier de ta religion. Walakin awwalan alayka bil ikhlas. Fais-le avec sincérité. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, montre clairement tes convictions. Fais-le comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a fait, montre la vraie face de l'islam et fais-le ouvertement. jusqu'à ce que quoi, les associateurs qui étaient contre l'islam et les musulmans étaient sensibilisés. Et de là, les savants ont dit pourquoi ils ont été sensibilisés. C'est quoi qui a fait qu'ils ont été sensibilisés? Allez, à votre avis. Est-ce qu'il y a des mouchriks quelquefois? يعني يسمع كلام الله عز وجل يعني il entend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est sensibilisé. Ça existe ça ou pas? Pourquoi à votre avis? Quelle conviction? Un mouchrik, il peut être sensibilisé quant à la parole d'Allah عز وجل, même plus que cela. Plein d'associateurs. فَوَرَبِّ الْكَعْبَ. Si tu n'as pas honte de ta religion, tu n'es pas complexé, et tu fais الدعوة إلى الله عز وجل بإخلاص, avec sincérité, et comme le prophète عليه الصلاة والسلام l'a fait, comme le prophète عليه الصلاة والسلام l'a fait, بحكمة, avec sagesse, وضعوا الشيء على الوجه الذي ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي, faire ce qu'il faut, de la manière qu'il faut, au moment qu'il faut. Si tu agis comme ça, et à la basir, avec clairvoyance, avec science, والله العظيم, que beaucoup, beaucoup, beaucoup de non-musulmans, والله, ils seront sensibilisés à ta دعوة. Et plus que ce que tu penses. Wallah, un plus grand nombre que ce que tu penses. Pourquoi? Pourquoi à votre avis? Al-fitra. Ah, la fitra. Tout le monde a attesté qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était lui, al-wahid, l'unique. Tout le monde. Ça existe ça ou pas? Il y a des preuves de ça dans le Coran? Naam. Allah azza wa jalla rappelle dans le Coran al-Karim. Il rappelle dans le Coran al-Karim que toute personne a attesté qu'Allah subhanahu wa ta'ala existait. Toute personne a attesté qu'Allah azza wa jalla existait. Tout le monde, tout le monde. Et de là, il y a ce qu'on appelle al-fitra. Al-fitra. Et tout le monde naît sur le fitra, comme a dit alayhi salatu wa salam. Tout le monde naît sur le fitra. Même si son père est juif, même si sa mère est chrétienne, même si son père est athée, même si sa mère est bouddhiste, même s'il ne croit en rien, c'est pas... Tout enfant, quand il naît sur al-fitra, la nature saine, avec une traduction approximative, la nature saine. Et c'est pour ça que al-jumhur, la majorité des savants, disent que quoi? Que si un enfant meurt, un enfant il meurt, même si ses parents ne sont pas musulmans, même s'ils sont chrétiens ou athées, mais il meurt avant la puberté. D'accord? Par exemple, il meurt à 6 ans ou à 7 ans, bi-idhnillah azza wa jal, il sera où? Au paradis. Pourquoi? Tout le monde naît sur le fitra, c'est-à-dire ala l'islam, sur l'islam. C'est-à-dire al-istislam lillahi azza wa jalla, la soumission à Allah azza wa jalla. Tout le monde naît soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit dans le Coran al-Karim avec une traduction approximative dans la sourate 7 verset 172 à 174. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam alayhi salam et les fit témoigner sur eux-mêmes, tout le monde, Allah azza wa jalla les a fait témoigner sur eux-mêmes. Ils ont témoigné sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Allah dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils dirent, mais si nous en témoignons, Allah dit, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention, ou que vous auriez dit tout simplement, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah, et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? Et c'est ainsi que nous expliquons intelligemment les signes, peut-être reviendront-ils. Allah, il ne laisse pas d'excuses aux koufars. Ceux qui diront, Allah, il a déjà fermé la porte, Allah, pour pas que les gens disent, comme Allah il dit dans le Coran, ya Allah, nous on a fait, on a suivi nos descendants. Ceux qui nous ont montré ça, Allah il rappelle qu'il a tiré des reins des fils du fils de Adam, alayhi salam, sa descendance. Tous les êtres humains ont attesté que Allah Azza wa Jal était leur Seigneur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala était notre Seigneur, pour pas qu'il y ait d'excuses au jour de la résurrection. Et de là, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans le Sahih, toute personne ou chaque nouveau-né, il naît sur la fitra, al-fitra. Donc ici on voit que ce qui fait sensibiliser les gens de façon générale, même les non-musulmans, même ceux qui sont contre l'islam, même, dis ce que tu veux, wallahi al-adim, que si tu parles avec sincérité, je ne dis pas tous, abadan, Allah il dit dans le Coran, si nous avions voulu, nous avions donné la guidée à chaque personne. Allah il aurait guidé tout le monde. Allah il dit dans le Coran, si on avait voulu, on aurait guidé tout le monde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas voulu. Allah azza wa jalla, il fait ce qu'il veut, il n'a pas voulu. Mais Allah, il nous rappelle. Lakin, ici, al-fitra, tu peux la faire réveiller. Et al-fitra, quelquefois, tu vois, même al-kuffar, qui ne croit pas en Dieu, quand il arrive une mosiba, et qu'ils ne savent plus quoi faire, ils sont dans un mouvement de panique, qu'est-ce qu'il dit? Oh my God. C'est vrai ou pas? Oh mon Dieu. Oh Allah. Choisis la langue que tu veux. Ala kulli hal, ils disent quoi? Ya Allah. Ça c'est quoi qui parle? Al-fitra. Ça c'est le fitra qui parle. Ils ont eu ça, ils ont attesté qu'Allah Azza wa Jal était leur Seigneur. Et ils sont nés sur la fitra. Toi, fais réveiller cette fitra. Ou soit la cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, les guide dans le droit chemin. On avait dit al-hidayah, naw'an, hidayatu dalala wa hidayatu at-tawfiq. Donc ici, toi, sois la cause de leur guider dans le droit chemin. Ici, sois la cause que cette fitra-là, cette nature saine, cette religion qui avait à la base en eux se réveille. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de koufars qui sont sensibilisés quelquefois. Et facilement, des gens que tu n'y croirais jamais, ils rentrent très facilement dans la religion. Et c'est pour ça que même les non-musulmans sont impressionnés. Ils disent, on a beau quelquefois parler de l'islam, il y a beau avoir une mauvaise image qui est donnée à l'islam sur la surface de la terre à travers les médias, etc. Mais il y a de plus en plus de convertis. Pourquoi? C'est très facile. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très facile et Allah il t'a facilité. Lui, il est né sur la fitra, sur l'islam. On a une longueur d'avance sur toutes les autres religions. Toi, fais réveiller cette fitra, bi'idnillah azza wa jalla, il dira, ashhadu an la ilaha illallah. Bi'idnillah azza wa jalla. Et nous, soit on est complexé, soit on manque de sincérité, soit on ne fait pas ad-da'watu illallah azza wa jalla comme il se doit, à la hikma, basé sur la sagesse, comme il le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Yani, on a une déficience, nous, dans notre pratique religieuse déjà. Quand nous déjà on va se réformer bi'idnillah, on sera plus complexé, on sera sincère et on fera ad-da'watu ilallah azza wa jalla comme il se doit, wallahi al-azim, vous verrez encore peut-être minchallah ta'ala multiplier le nombre de conversions. Et on le voit déjà. Déjà, je dis pas qu'on fait pas de travail, mais yani par rapport à ce qu'on a entre les mains, al-Qur'an al-Karim, la sunna du prophète alayhi salam, la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, pour la majeure partie des musulmans d'aujourd'hui, on ne fait pas assez de travail. On fait du travail, alhamdoulilah. Il y a des gens qui font plus de travail que d'autres, c'est sûr. Mais de façon générale, on ne fait pas assez de travail. Comme je le dis, je le répète tout le temps, chacun a son mimbar. C'est pas se dire, ça c'est le travail réservé à l'imam, ou à un savant, ou à un shir dans tel pays, ou abadan, chacun a sa responsabilité, chacun a son mimbar. Soit si tu es mécanicien, fais de da'wa ici dans cet endroit-là. Est-ce que l'imam il va pouvoir faire ad-da'wa à celui qui va te ramener sa voiture? Il ne le verra jamais peut-être. Donc toi, tu as un travail à faire. Toi, tu es médecin, fais de da'wa dans ton travail. Toi, tu fais... Et la meilleure des da'wa, c'est quoi? C'est avec le comportement. C'est avec le comportement. C'est pour ça que les ulama, ils disent quelquefois « ad-da'watu ilallah azza wa jal » avec le comportement est plus bénéfique que « ad-da'watu ilallah azza wa jal » avec la parole. Parce que tu peux parler, mais quand tu vois, c'est pas comme quand t'entends. Retenez ça, quand tu vois, c'est pas comme quand t'entends. Moussa alayhi salam. Et regardez les savants, les gens de science, qu'est-ce qu'ils disent? Moussa alayhi salam, quand Allah azza wa jalla l'a informé que son peuple était en train d'adorer quoi? En train d'adorer un veau. Moussa alayhi salam, il leur a montré des signes. Moussa alayhi salam, il leur a fait ad-da'watu ilallah. Moussa alayhi salam, il a patienté avec eux. Et quand il s'est absenté pour recevoir les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, Allah Azza wa Jalla a informé que son peuple était en train de quoi? De tomber dans l'association, dans Shirku Billahi Azza wa Jalla. Il l'a su, il l'a entendu. Mais quand il a vu son peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé les tablettes. Al-ulama, ils ont dit, regardez, la réaction de Moussa, est-ce qu'elle était la même? Pourquoi? Parce que de façon générale, quand t'entends, c'est pas comme quand tu vois. Quand tu vois une chose, ça a plus d'impact. Et je dis souvent cet exemple-là, si on te dit une personne proche de ta famille est décédée, ça va te faire mal. Mais quand tu vas la voir allongée devant toi, morte, décédée, ça va te faire encore plus mal. C'est vrai ou pas? C'est comme ça. L'être humain, il est comme ça. Et c'est pour ça que si une personne montre l'islam avec son comportement, ça aura plus d'impact, bi'idnillah azza wa jal, que s'il parlait jour et nuit de ce comportement-là. Mais quand tu appliques ce comportement-là, ça a plus d'impact. C'est pour ça que nous, il nous manque beaucoup de quoi? Beaucoup d'applications, et moi le premier, ou bien illa man rahim Allah, sauf ceux à qui Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde. Ala kulli hal, il a appelé ici à la prière, il faisait l'adhan, beaucoup d'entre eux ont été sensibilisés. L'an 8 de l'Hijr. À l'an 8 de l'Hijr, il y a eu ce qu'on appelle Ghazwatu Mu'tah. Donc cette Ghazwa, pourquoi a-t-elle eu lieu, cette expédition, cette bataille-là? Donc là, alhamdulillah, ils étaient sous-traités. Avec Quraysh, pas de problème. Ils avaient du mal à avaler la pilule, lakin, ils étaient obligés. D'accord? Ils avaient quand même une certaine parole. Mais par contre, il y avait d'autres personnes qui étaient toujours contre le prophète alayhi salatu wassalam. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam envoyait les différents messages pour inviter les différents gouverneurs à l'islam, donc la plupart, soit ils ont ignoré, soit ils se sont énervés, soit certaines personnes n'ont pas répondu, à la kulli hal, il y a eu différentes réactions. Mais il y a eu une réaction qui a dépassé les limites. Une personne a provoqué. Jusqu'à ce que il a tué un des compagnons. Ils ont tué un des compagnons. Radiallahu anhu arda. Donc ils ont, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un de ses émissaires, un des compagnons. Et ici, ils l'ont pris, ils l'ont torturé, ils l'ont, chez certains, ils l'ont torturé de façon ouverte devant les gens, et ils l'ont tué. Le prophète alayhi sallatu wa sallam, il a dit, là, les limites ont été dépassées, il n'a pas accepté alayhi sallatu wa sallam. Il a préparé une bataille. Il a préparé pour cette bataille une armée. Une armée de 3000 compagnons. Radiallahu anhu ardahum. Et Ibn Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah ta'ala, dans Zadul Ma'ad, il dit, le prophète alayhi sallatu wa sallam n'a jamais réuni autant d'hommes pour une bataille, si ce n'est à la bataille de l'Ahzab, pour combattre ici ces personnes-là, qui avaient fait ce meurtre-là. Donc le prophète alayhi sallam, il a réuni 3000 compagnons. Contre combien? Regardez, 3000, c'est énorme, c'est beaucoup. Mais regardez l'iman qu'ils avaient à l'époque du prophète alayhi sallatu wa sallam. Ils reconnaissaient à travers l'application que les causes ne peuvent nuire et profiter en rien sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils se sont démoralisés, découragés quand ils ont entendu que ce qui était arrivé ou ce qui est arrivé, ils étaient plus de 100 000? 100 000. Eux, ils étaient 3 000. Et Ibn al-Qayyim, elle dit, le prophète n'a jamais été, son armée n'a jamais été aussi nombreuse, sauf si ce n'est pour Ghazwatul Ahzab, la bataille des coalisés. Ici, elle n'a jamais été aussi nombreuse. 3 000. Eux, ils étaient 100 000. Et ils arrivaient pourquoi? Ils étaient préparés pourquoi? Pour répondre. Ici, à l'attaque du prophète alayhi salatu wassalam. Car il savait que le prophète alayhi salatu wassalam allait défendre ici ce compagnon qui a été tué. Donc ici, il a préparé son armée. Eux, ils se sont préparés, plus de 100 000. Et c'est ce qu'on va voir, bi'idnillah azza wa jal. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a mis préparer son armée. Il n'est pas parti avec eux directement. Il a mis à la tête, c'est-à-dire au commandement, il a mis Zayd ibn Haritha, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Et dans un hadith rapporté par le Bukhari, radiyallahu anhu wa arda, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, Arraya, c'est-à-dire l'étendard, celui qui va prendre ce groupe-là, pour combattre, ça va être Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu wa arda. Et il dit, s'il est tué, Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu wa arda, ça sera Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda. Ja'far al-Tayyar, comme il l'appelle, c'est celui qui aura des ailes au paradis bi'innillahi azza wa jalla. Et comme on verra, c'est lui qui a combattu jusqu'à ce qu'on lui a coupé les deux mains ou les deux bras. Et Allah azza wa jalla lui a donné des ailes au paradis. Ja'far ibn Abi Talib, il dit, si lui, il est amené à mourir, donc le prophète alayhi sallam, il rappelle. Imaginez-vous, on dit, bon, tu vas en expédition, si tu meurs, c'est toi qui le remplaces. Tu meurs, déjà le khawf, comment ça, si je meurs, ça veut dire que je vais mourir. Regardez, eux, le prophète, ils étaient tous prêts psychologiquement, khlas. Et c'est ça, min al-mu'minin al-rijal. C'est ça ce que ça veut dire ici. Allah azza wa jalla, quand il dit dans le Coran, parmi les croyants, il y a des hommes. Ils étaient prêts à tout, ils étaient sincères. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Ils n'ont rien changé à leur comportement. Bien qu'il y ait eu des épreuves, il y a eu des troubles, etc. Il dit, si c'est pas Zayd, s'il meurt, khlas, c'est Ja'far. Si c'est pas Ja'far ibn Abi Talib, ici c'est Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Donc Abdullah, c'est toi qui prends l'étendard, inshallah ta'ala, s'il est amené à mourir. Et le prophète alayhi salam, il éduque aussi la communauté ici. Et il rappelle que derrière chaque groupe, derrière chaque collectivité, derrière chaque armée, même si tu vas juste en voyage, il faut qu'il y ait un responsable. Il faut qu'il y ait un leader. Il faut qu'il y ait une personne qui gère. D'accord, qui gère. C'est pas 36 qui gèrent. C'est une personne qui gère. Et on met les personnes les plus sages. Le prophète alayhi salam, il n'a pas choisi par hasard. Et chacun a ses qualités. Chacun a ses qualités. Ça ne veut pas dire que, ici, parce que toi, à titre d'exemple, pour vous donner un exemple assez clair, toi, tu n'as pas appris Al-Qur'an Al-Karim ou tu as du mal à retenir Al-Qur'an Al-Karim dans un autre sujet religieux, tu vas être moins bon que celui qui retient plus facilement que toi Al-Qur'an Al-Karim. Non, mais nous les musulmans et surtout ceux qui sont à la tête de groupes de musulmans ou de gérants ou qui gèrent des groupes ou des associations, etc., ils doivent donner les fonctions adéquates à chaque personne selon ses capacités. D'accord? Regardez, vous avez l'exemple de Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu warda, ce grand compagnon, Saiful Islam, comme il a été appelé, l'épée de l'islam, ou Saifullah azza wa jal, l'épée d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Khalid ibn al-Walid, il est rapporté dans de nombreux récits prophétiques authentiques qu'il connaissait très peu de Coran. Dans des versions, il est rapporté qu'il récitait que des petits passages de Coran à chaque fois. Des ayats par là, des ayats par là. Ça ne veut pas dire qu'il connaissait rien, abadan. Mais il connaissait très peu de Coran. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu warda. Tu dis à n'importe quel musulman c'est qui Khalid, il te dira je sais, Saifullah, l'épée d'Allah azza wa jal. Il a marqué l'histoire, il a été la cause bi-idhnillahi azza wa jal que cette religion pendant les premiers siècles elle a triomphé, alhamdulillah, elle a avancé, ou pendant les premières années elle a triomphé, elle a avancé à une allure impressionnante. Khalid ibn al-Walid, il est mort comment? Sur son lit. Alors que lui, il a combattu, il a reçu des blessures, et on verra par la suite, il a reçu des blessures, il a combattu, il a été chef de guerre, mashallah, il a gagné, c'était un grand technicien, un grand chef de guerre, il est mort sur son lit. Il est mort sur son lit. Allah subhanahu wa ta'ala, il crée et il choisit. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas sincère. Abadan, c'est Khalid ibn al-Walid, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, fahuwa min akbar as-sahaba, il fait partie des plus grands compagnons, radiyallahu anhu wa arda, mais de façon générale, Allah azza wa jalla dit sur les compagnons, radiyallahu anhum, وَرَدُوا عَنْ ذَلِكَ لِمَنْ خَشَّ رَبَّهِ. Ils ont été agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on voit que Khalid ibn al-Walid, il avait sa fonction. Et le prophète, il l'a choisi pour cette fonction-là. Donc, comme ils disent les ulama, chacun, selon ici ses qualités, donc ici, doit être, où on doit donner des responsabilités à chacun selon les qualités qu'il a. Et on ne doit pas tout mélanger. D'accord? Et donc, c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, a choisi ses compagnons. Donc, Zayd, Ja'far, ou à défaut ici, Abdullah ibn Rawaha, ce grand compagnon qui dégainait des vers ici pour motiver à chaque instant les compagnons radiyallahu anhum arda. Et le prophète alayhi salam ne l'a jamais interdit. Il ne lui a jamais dit, Abdullah ibn Rawaha, ça a été toi, c'est des vers, etc. Tout ce qui n'est pas contraire à l'islam, concernant les vers poétiques, tout ce qui ne, yani, tout vers poétique qui n'est pas accompagné de paroles, yani, perverses ou contraires à l'islam ou à la moralité du musulman et de l'islam, ici c'est autorisé. Et les compagnons le faisaient. Et ça motive les musulmans. Et c'est pour ça que les chants islamiques, à la base, c'est pris de quoi? Des vers poétiques. Certains disent l'anachid, d'autres savants, ils ont interdit ou ils ont dit, ça ne se fait pas comme Cheikh Al-Albani de dire anachid, ça n'existait pas à l'époque du prophète. Ala kulli hal, nous on dit. Toute parole, d'accord, qui yani, est mise en place ou au service des musulmans, à titre yani, de motivation quant aux accomplissements des actes religieux, des pratiques religieuses, pour motiver le musulman à faire la prière, pour motiver le musulman à craindre Allah Azza wa Jal, si c'est sous des formes de chants islamiques, comme ils étaient utilisés à l'époque du prophète, sous forme de vers poétiques, il n'y a pas de mal à partir du moment où ces paroles ne sont pas accompagnées de paroles perverses et il n'y a pas d'instruments de musique qui accompagnent ces paroles, sauf pour les femmes, ad-douf, lors des cérémonies de mariage, ou bien les savants ou certains savants ont élargi en disant pour toutes. Tout moment de fête ou de joie, entre elles, les femmes, il n'y a pas de mal. Ala kulli hal, Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu warda, citait plusieurs vers poétiques qui motivaient les compagnons. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il faisait toujours, ou il disait toujours une recommandation. Toujours une recommandation. À chaque fois que les compagnons partaient pour une ghazwa, ou simplement pour transmettre une risala, un message, ou partaient pour faire ad-da'watu ila Allah, il leur recommandait toujours une chose, c'était quoi? Usikum bi taqwallahi azza wa jal. Je vous recommande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le temps. Tout le temps, le prophète alayhi salatu wassalam, il allait voir particulièrement, comme il a relaté dans Sahih Muslim et d'autres récits prophétiques authentiques, il allait voir le commandement ou le chef de groupe. Et il disait, je te recommande à toi, ainsi que à ceux qui sont sous ton commandement ou sous ta responsabilité, at-taqwallah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle l'importance de s'enjoindre mutuellement la crainte d'Allah azza wa jalla, il dit ya ayyuhan nabi ittaqillah. Et il dit concernant les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, wattaqina Allah, et craignez Allah. Allah azza wa jalla l'enjoint à la mère des créatures sur la surface de la terre, au prophète, de craindre Allah, et aux femmes qui font partie des plus pures, les femmes du prophète, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et Omar ibn al-Khattab, il a dit, quand quelqu'un lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, ittaqillah, ô commandant des croyants, crains Allah, il a dit, vous ne cesserez d'être dans le bien tant que vous ne délaissez pas ces paroles. C'est quoi? Ittaqillah. Et c'est ça, yani, qui nous manque au jour d'aujourd'hui. On n'ose plus, ou on délaisse cette parole trop souvent. Le fait de dire à son frère, ittaqillah, sur un bon ton. Et maintenant, on le prend comme une agression, wal'iyadu billah. La crainte d'Allah Azza wa Jal, elle a toujours été recommandée par le prophète, alayhi salatu wassalam. Et dans Sahih Muslim, il est rapporté que le prophète leur disait, je vous recommande la crainte d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, il disait au chef de groupe, ceux qui sont sous ton commandement. Et ensuite, il disait, attaquez au nom d'Allah, bismillah, wa fi sabilillah, man kafara billah, au nom d'Allah Azza wa Jal, au service d'Allah, quiconque mécroit en Allah. Clair. Mais écoutez après les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui a été accusé souvent de terroriste. Regardez ce qu'il disait. Alors qu'il était dans son haq. Et le premier jihad qui a été autorisé au prophète alayhi salatu wassalam, c'était jihad ud-daf, la défense. Il se défendait, c'était pas de l'attaque. C'était pas du tout un jihad d'attaque. Il se défendait. On les attaquait, ils se défendaient. C'était ça le jihad au début qu'il y avait. Le prophète alayhi salam ensuite il disait, comme il le relatait dans Sahih Muslim, n'envahissez pas, n'attaquez pas et ne tuez aucun, ou plutôt n'attaquez et ne tuez aucun enfant. Interdiction. N'attaquez et ne tuez aucun enfant, aucune femme, aucun vieillard, aucun solitaire, ne coupez aucun palmier et ne coupez aucun arbre et ne détruisez aucun bâtiment. À chaque fois qu'il y avait une ghazwa, le prophète alayhi salam, il leur interdisait de couper les palmiers, de couper les arbres, de détruire les bâtiments, de tuer les femmes, de tuer les enfants, de tuer les innocents. À chaque fois, et avant ça, il disait « Ittaqullah ». Regardez, même le combat, ici, ce n'était pas des barbares, comme certains pensent ici sur les musulmans, que les musulmans sont des barbares et ils veulent répandre le sang, ils veulent tuer les mécréants et les associateurs. Regardez le prophète alayhi salam, quand c'était vraiment la nécessité de combattre et qu'il n'y avait pas du tout le choix, il combattait. Mais avec des règles, craignez Allah Azza wa Jal, tu tues pas d'enfants, tu tues pas de femmes, tu détruis pas de bâtiments, tu détruis pas d'arbres, tu détruis pas de palmiers, toutes ces recommandations, nous maintenant on les entend au jour d'aujourd'hui. Même concernant des armées qui, par exemple, sont amenées à combattre pour défendre leur pays, etc. Où on entend ces paroles vraiment concrètes et qui sont appliquées. On ne tue pas de civils, on ne tue pas d'enfants. L'islam c'est ça. Tu n'as pas le droit de tuer d'enfants, tu n'as pas le droit de tuer de femmes, tu n'as même pas le droit de couper un arbre. Quelqu'un m'a dit, mais ça, ils sont partis à l'excès. Normalement, nous, on devrait dire, on est même parti à l'excès. Pas de votre excès ou dans l'excès que vous pensez vous, c'est-à-dire l'extrémisme ou le terrorisme. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe dans toutes les religions, de toute façon, l'excès. Mais nous, on est passé dans un autre excès, c'est-à-dire quoi ? Ar-Rahma, la miséricorde. Même dans le combat, quand tu n'as pas le choix, tu es obligé d'être quoi ? D'avoir cette clémence et cette miséricorde, comme le prophète, alayhi salatu wassalam, l'avait, même envers les animaux. Et les musulmans leur firent des invocations ici et des prières pour les motiver, et quand ce groupe-là de 3000 hommes sont partis pour combattre. Et ici, pour pas trop m'attarder ici, je vais terminer juste avec ces quelques propos, Inch'Allah ta'ala, et on terminera avec Ghazwatu Mu'tah la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, au moment où l'armée islamique s'apprêtait à partir. Donc quand ils ont voulu partir, ils étaient prêts, ils ont fait leur adieu. Les gens sont venus dire adieu donc à tous les compagnons, ils ont fait des invocations pour eux. Et là, Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu arda, celui qui motivait les gens, celui qui a été reconnu pour être un grand guerrier, il voulait mourir à tout prix fi sabilillah. Il voulait et il demandait toujours, je veux mourir alors qu'on me tue sur le champ de bataille. Moi, il voulait le martyr. Il s'est mis à pleurer. Fabaka, Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu arda. Et là, les compagnons, ils ont dit, ya Abdullah, ma yubkik, qu'est-ce qui te fait pleurer? Pourquoi tu pleures à ce moment-là? Et il dit, wallahi par Allah, je ne pleure pas à cause de hubbu dunya, l'amour de dunya, ou par rapport à vous, ou par rapport à je ne sais quoi concernant cette chose mondaine, ou par rapport parce que j'ai peur, ou je ne sais quoi encore. Abdullah ibn Rawaha, il dit, je pleure, regardez, même dans les moments très, très forts, même dans les moments où il y avait zalazil, les tremblements, c'est pas les tremblements de terre, mais les cœurs tremblaient, il y avait vraiment des moments très durs pour eux. Ils avaient toujours une alaqa, un lien avec le Coran al-Karim, avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours, même dans les moyens très les moments très, les plus difficiles, ils avaient vraiment leur cœur relié, radiyallahu anhu wa arda, à 100% avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont dans le ghazwan, ils pleurent, et regardez pourquoi ils pleurent, il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure, li annani sami'at, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam, yaqra, wa im minkum illa wariduha, wa kana ala rabbika hatman maqdiya. J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam lire ce verset coranique où Allah Azza wa Jal dit avec une traduction approximative, et il dit, par Allah, où il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, et ceci où il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Il s'est mis à pleurer et il a dit, je sais, c'est une promesse venant d'Allah Azza wa Jal que je devrais passer par le pont. C'est As-Sirat, comme on dit les exégèses, quand Allah Azza wa Jalla parle de cet endroit ou ce moment-là, c'est As-Sirat. Il dit, je sais que je devrais passer par ce pont, mais est-ce que je vais parvenir à passer, à franchir tout ce pont? Je serai sur ce pont, mais est-ce que je vais réussir à le franchir? Voilà pourquoi je pleure. Regardez Abdullah ibn Rawaha, ils sont dans le combat, il va peut-être mourir et il est déjà avec quoi? Il pense à l'enfer, il pense au paradis, il pense à l'au-delà, il pense à... Et ça c'est dans les moments où vraiment tu es perturbé, tu ressens peut-être cette peur naturelle, d'accord, naturelle, qui est permise. À la kulli hal, on est des êtres humains. Wa khuliqa al-insanu da'ifa, l'être humain est créé faible. Et il est toujours en lien avec quoi? Al-Qur'an al-Karim. Avec ici le fait de se rappeler de l'enfer, du paradis, as-sirat, le jour de la résurrection. Regardez, il est où et eux ils sont dans un moment où on part, salamu alaykum. Nous même quand on part juste au pèlerinage, ou quand on revient du pèlerinage, des moments forts, c'est pas, il était revenu du jihad, du combat, ou... il revient du pèlerinage, il a tout oublié ce qu'il a fait. Ils sortent le bendir, ils sortent les klaxons, les femmes dehors, les drapeaux, algériens, marocains, tunisiens, on dirait qu'ils ont gagné la coupe du monde. Et mashallah, c'est quoi cet iman par rapport, regardez quand on met dans la balance, on dit nous et les compagnons sahaba radiyallahu anhu wardam, ils partent au combat avec le prophète, ils sont 100 000 hommes en face d'eux, et ils pensent à quoi? Un verset où le prophète a lu, et il dit mais moi, quand je serai dans le pont, est-ce que je vais le pas? Ya Abdallah, t'es sur terre, tu vas combattre, toi t'es déjà sur le pont, ils étaient déjà dans le delà. Nous on revient de l'hajj, mashallah, normalement l'iman, ça on a tout oublié. On est pire que quand on est parti. C'est quoi ça, subhanallah? On est loin de la religion, illa man rahim Allah. Et ça c'est pour la plupart, malheureusement. C'est pas pour ici voir, yani, démotiver, yani, les musulmans. Comme a dit Aïssa fi sahih, man qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum. Wa fi riwa fa huwa ahlakuhum. Ici le prophète Aïssa, il a dit, celui qui dit, avec une traduction approximative, yani, les gens sont à court à leur perte, où ils sont tous yani, détruits, où ils sont perdus, c'est lui qui les a perdus, qui les a détruits. C'est pour nous rappeler quoi? Tu ne dois pas dire qu'il n'y a pas de bien dans la communauté, il n'y a que du mal dans la communauté. Non, mais on parle de faits concrets. Il y aura toujours du bien jusqu'au jour de la résurrection, on sera toujours la meilleure communauté sur la surface de la terre, mais il y a beaucoup de maladies dans la communauté. Et ces maladies-là, on doit tout faire pour les guérir. Et c'est pour ça que les savants disent, comme je disais dans le précédent sermon, at-tahara naw'an, la purification est de deux types. Il y a la purification al-hissiyya ou al-ma'nawiyya, c'est-à-dire physique et morale. Et la purification morale, c'est la purification de quoi? Tahara tul-quloub, c'est la purification des cœurs. C'est la purification des cœurs. Et cette purification est plus importante que la première purification. Car Allah Azza wa Jalla dit, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim, le jour où ni bien et ni enfant ne profiteront en quoi que ce soit, si ce n'est celui qui vient avec ou en face de son Seigneur vers Allah Azza wa Jalla avec un cœur saint. Et voilà que Abdullah ibn Rawaha, il citait ces vers et il dit avec une traduction approximative, mais je demande le pardon au clément, le miséricordieux, la force de donner des coups de grande violence, des coups de lance transperçant les entrailles et les foies, tant et si bien que les gens passant près de ma tombe disent combien Allah a guidé ce conquérant sur la bonne voie. Voilà les vers qu'il sortait avec une traduction approximative, Abdullah ibn Rawaha, et il ne cessait de motiver les compagnons avec ces vers-là. Et ici, inshallah ta'ala, le prochain cours, on parlera rapidement un peu de As-Sirat, la description que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'a dit Allah azza wa jal sur le Coran al-Karim ou dans le Coran al-Karim concernant ce pont-là, As-Sirat, dont tout le monde, ou ce pont-là que tout le monde verra, et ce pont-là qui a été lancé ou établi au-dessus de l'enfer. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit « Wa im minkum illa wa riduha » et tout le monde devra y passer, c'est-à-dire tout le monde verra l'enfer, tout le monde passera par l'enfer, c'est-à-dire sur « ala sirat » et certaines personnes réussiront à franchir ce pont, tandis que d'autres tomberont et ils tomberont directement en enfer. « A'adana Allah wa iyyakum minan nar » Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillahi rabbil alamin.